farce, une basse supercherie. Et encore en chérie, on nous bourre le mou par tous des poseurs, des bouffons qui récupèrent nos vibrations. Mais y'a pas de loup pour ouvrir sa gueule, bordel, pour prendre position. Rock'n'roll attitude, mon cul, y'a plus que le cliché. Hip-hop vestimentaire pour multinational, au placard. Je m'adresse à tous ceux qui refont leur monde à eux, autour d'eux. Tous les vivants, les réactifs, vas-y, passe à l'action. Les résistances de la nouvelle génération, une page est tournée, un nouveau millénaire. Il faut tout réinventer. Yeah, come on, give it ton sac, man. Desde las montañas de Oriente en la Sierra Maestra.